Chapitre 23. Visite au sanglier, le coton de Nankin, le lion, mort de Bill, un nouvel hiver. Le lendemain de grand matin, nous étions en route pour aller visiter le corps de notre sanglier et tenir conseil sur l'emploi qu'on en pouvait faire. Le pauvre Jack, encore fatigué de son aventure de la veille, ne donnait pas signe de vie. À l'entrée de la forêt, les chiens accoururent au-devant de nous avec des hurlements de joie. Nous arrivâmes bientôt sur le champ de bataille où la grosseur de l'animal et son aspect féroce excitèrent ma surprise au plus haut degré. Je suis persuadée qu'il eût été en état de résister à un buffle ou même à un lion de la plus haute taille. Ernest, il ne faut pas oublier la tête qui deviendrait un des plus beaux ornements de notre muséum. Si mon père nous le permet, nous allons transporter l'animal sur le rivage où nous pourrons faire l'opération à loisir. Moi, de tout mon cœur, je vous laisse libre champ à cet égard. Mais occupons-nous d'abord d'examiner s'il ne serait pas possible de découvrir encore quelques truffes. Un pareil présent nous assurerait bon accueil au logis. Nos recherches furent longtemps infructueuses. Mais enfin, l'œil perçant de Fritz découvrit dans le voisinage une nouvelle mine de ces précieux tubercules dont nous ne manquâmes pas de faire une ample provision. Pendant ce temps, l'infatigable Fritz venait d'abattre une douzaine de branches à coups de hache en s'écriant « Voilà des moyens de transport tout trouvés. Il ne s'agit plus que d'y placer notre gibier. » Nos chiens furent bientôt attelés à ce chariot de nouvelle espèce qui prit en triomphe le chemin du rivage, chargé des dépouilles sanglantes de l'habitant des forêts. Fritz dirigeait d'une main habile la marche du convoi qui ne tarda pas à atteindre le camp sans mésaventure. Nos chiens, aussitôt délivrés, reprirent à la hâte le chemin de la forêt pour aller se régaler de la portion du sanglier qui était demeuré sur la place. En détachant les diverses parties du chariot, destinées désormais à alimenter le foyer, nous remarquâmes sur les branches une quantité de noix ligneuses remplies d'un coton fin et soyeux, d'une couleur jaunâtre, analogue à celle du Nankin. Notre nouvelle découverte fut mise de côté, avec le plus grand soin pour notre ménagère, et je me promis bien de saisir la première occasion pour faire une nouvelle provision de ces fruits précieux et me procurer quelques rejetons de l'arbre qui les portait. Pendant ce temps, Fritz et Ernest étaient occupés à creuser dans le sable une fosse assez profonde, voulant, disaient-ils, faire une agréable surprise à leur frère Jack, en préparant pour son réveil un excellent rôti à la haute entente. Une flamme brillante ne tarda pas à sortir du four improvisé, et nous y suspendîmes les quatre membres du sanglier afin de les dépouiller de leur soie. Le parfum peu agréable qui s'exhalait de notre venaison ne tarda pas à nous contraindre d'abandonner la place si nous ne voulions pas perdre la respiration. Et l'odeur était si forte qu'elle alla frapper l'odorat du pauvre Jack qui ne tarda pas à se lever sur son séant pour demander d'une voix plaintive quelle était cette nouvelle opération. « Sois tranquille, lui répondit gravement son frère aîné. Il ne s'agit que de friser un peu la crinière de ton champion d'hier soir afin qu'il puisse se présenter décemment devant ses vainqueurs. Et avant de te plaindre ainsi, rappelle-toi la réponse d'un prince devant le corps de son ennemi. Le cadavre d'un ennemi mort sent toujours bon. » Cependant, Jack était accouru au secours de ses frères, et tandis qu'il préparait la hure du sanglier en cuisiniers expérimentés, je m'occupais de nettoyer les quatre membres, travail fort peu divertissant. Bientôt le four fut préparé, et il ne tarda pas à recevoir le rôti soigneusement enveloppé de feuilles odorantes. En attendant l'heure du souper, nous nous occupâmes des préparatifs nécessaires pour fumer le reste de la venaison et le coucher du soleil vint nous surprendre avant la fin de cet important travail. Au moment où la nuit commençait à nous envelopper de ses ombres, un formidable hurlement sortit des profondeurs de la forêt voisine et répété au loin par les échos du rivage vint frapper tout à coup nos oreilles étonnées. Ces sons terribles semblaient tantôt s'éloigner, tantôt se rapprocher de la place que nous occupions. « Voilà un concert diabolique !» s'écria Fritz en sautant sur son fusil de chasse et en jetant autour de lui des regards flamboyants. « Allumez le feu, retirez-vous dans la chaloupe, et que chacun tienne ses armes prêtes. Quant à moi, je vais aller faire une reconnaissance avec mon kayak. » À ces mots, le bouillant jeune homme sauta dans son embarcation, et se dirigeant vers le rivage avec la rapidité de l'éclair, ne tarda pas à disparaître à nos regards. Pour nous, exécutant à la hâte ses instructions, nous courûmes à la chaloupe, nous tenant prêts à tout événement. « Il est bien étonnant, fit observer Jack, que Fritz nous abandonne au moment du danger et qu'il s'éloigne aussi brusquement sans attendre vos ordres. » « Il faut pardonner quelque chose à son caractère bouillant et audacieux, répondis-je gravement. À l'heure du danger, il est souvent nécessaire de permettre aux braves ce qu'il faudrait défendre aux esprits timides et irrésolus. C'est quelquefois un moyen infaillible de salut. » Au moment où j'achevais ces mots, nous aperçûmes Maître Knips et les chiens qui se dirigeaient vers la chaloupe au grand galop. La voyant trop éloignée du rivage pour l'atteindre à pied sec, nos vaillants auxiliaires s'étendirent autour du feu, sur le sable, non sans promener autour d'eux des regards vigilants. Cependant, les terribles sons partis de la forêt semblaient se rapprocher de plus en plus, de sorte que je finis par croire qu'il fallait les attribuer à quelques panthères ou à quelques léopards que l'odeur du sang avait attirés dans notre voisinage. Quelques minutes s'étaient à peine écoulées lorsque la lueur mourante de notre feu nous laissa apercevoir distinctement le terrible animal, objet de notre terreur. C'était un lion d'une taille énorme, tel que je n'en avais jamais vu dans nos ménageries d'Europe. Il paraissait avoir suivi les traces du sanglier, et après avoir exercé son courroux sur les débris de notre foyer, nous le vîmes s'asseoir comme un chat sur les pattes de derrière, promenant un regard de fureur et de convoitise, tantôt sur le groupe des chiens placés en face de lui, tantôt sur les restes sanglants de notre venaison. Bientôt, le majestueux animal se leva lentement, se battant les flancs de sa queue, comme pour réveiller son courage endormi. Des rugissements entrecoupés s'échappaient de sa gueule terrible, tandis qu'il se promenait avec fureur dans l'espace compris entre le foyer et le rivage. Après avoir décrit lentement plusieurs demi-cercles, de plus en plus rétrécis, le terrible animal finit par prendre une position qui annonçait à tout œil expérimenté une attaque prochaine. Pendant que j'étais incertain s'il fallait commander le feu ou donner l'ordre de virer de bord, l'explosion d'un fusil à peu de distance me fit tressaillir des pieds à la tête. « C'est Fritz !» s'écrièrent mes deux compagnons avec un cri de joie et de triomphe. Le roi des forêts fit un bond terrible, accompagné d'un rugissement de douleur. Puis il ne tarda pas à chanceler, et tombant sur les genoux, il demeura bientôt sans mouvement. « Voilà un coup de maître !» m'écriai-je avec joie. « L'animal est frappé au cœur et ne se relèvera plus. Demeurez ici, tandis que je vais me rendre sur le champ de bataille. » En deux coups de rame, j'étais au rivage, où les chiens me reçurent avec des hurlements d'allégresse. Au moment où je m'approchais avec précaution, je vis paraître sur le même lieu un nouveau lion de moins grande taille que le premier, mais d'un aspect non moins formidable. En deux bonds, il était près du corps inanimé de son compagnon, qui commença d'appeler d'une voix plaintive. Évidemment, c'était la femelle, et par bonheur, elle n'était pas accompagnée de ses lionceaux, car une seconde attaque de ce genre eût gravement compromis notre sûreté. Tandis qu'étendue auprès de son mâle, elle léchait sa blessure avec des gémissements plaintifs, un second coup de feu retentit, et une des pattes de devant de la lionne retomba sans force à ses côtés. Avant que je sus le temps de faire feu, les chiens s'étaient élancés avec fureur sur l'ennemi, et alors commença le plus terrible combat dont j'eusse jamais été le spectateur. L'obscurité de la nuit, les rugissements de la lionne et les hurlements des chiens faisaient de cette scène une des plus effroyables qui puissent frapper les regards d'un homme. Le monstre des forêts profita de mon inaction pour saisir la pauvre bile de la patte qui lui restait, et bientôt le fidèle animal tomba dans les convulsions de l'agonie aux côtés de son ennemi expirant. Au moment où j'accourais à son secours, Fritz paraissait sur le champ de bataille avec son fusil, désormais inutile. Mais je lui fis signe de s'arrêter en l'exhortant à joindre ses actions de grâce aux miennes pour la miraculeuse protection dont la Providence venait de nous favoriser encore une fois. Je ne tardai pas à appeler à haute voix l'équipage de la chaloupe pour venir prendre part à notre triomphe, et nos deux compagnons furent bientôt dans nos bras, remerciant le ciel de nous revoir sains et saufs après un si terrible danger. Notre premier soin fut de ranimer le foyer et d'aller visiter le champ de bataille à la lueur de quelques torches de résine. Le premier spectacle qui frappa nos regards fut le corps de la pauvre Bill étendu sans vie à côté de son ennemi mort, victime regrettable de son courage et de sa fidélité. Hélas, s'écria Fritz avec un douloureux soupir, voici une nouvelle occasion pour Ernest d'exercer ses talents poétiques, car nous ne pouvons refuser une glorieuse épitaphe à notre pauvre Bill, morte si bravement pour la défense commune. J'y songerai, répondit Ernest, lorsque ma pauvre muse sera un peu remise de sa terrible angoisse qu'elle vient d'éprouver. En attendant, voici deux formidables ennemis dont la Providence vient de nous délivrer, et j'éprouve une vive satisfaction à penser que ces gueules menaçantes sont maintenant fermées pour toujours. L'intelligence de l'homme triomphe de tous les ennemis de la nature, répartit Fritz gravement. C'est à elle que nous devons les armes dont notre main s'est servie pour abattre le puissant roi des forêts. Mais ne serait-il pas temps de nous occuper des funérailles de la pauvre Bill, à la lueur sinistre de ses torches funéraires ? Je fis un signe de consentement, et Fritz eut bientôt creusé une fosse profonde où nous déposâmes solennellement le corps de notre vieux compagnon. Nous tournant alors du côté d'Ernest, nous attendîmes l'épitaphe qu'il nous avait promise et qu'il ne tarda pas à réciter d'un ton pathétique. Après une carrière longue et aventureuse, c'est ici que repose la pauvre Bill, si rapide à la course, si intrépide dans le combat. Elle est morte pour ses maîtres, ainsi qu'elle avait vécu. Nul héros ne mérite mieux un tombeau et une glorieuse épitaphe. Il me semble, dit Jack en bâillant, que nous avons veillé une bonne partie de la nuit, et toute cette histoire de lion m'a terriblement creusé l'estomac. Ne serait-il pas temps de songer à notre nourriture terrestre ? Aussi bien voici la hure de sanglier qui nous attend dans le four depuis hier soir. Rappelés par ce sage avertissement au souvenir de nos besoins corporels, nous nous dirigeâmes vers la cuisine sans perdre le temps en vaines paroles, et nous ne tardâmes pas à faire honneur au rôti de la veille. Je décidai qu'on passerait dans la chaloupe les 3 à 4 heures qui nous restaient jusqu'au jour, et un froid piquant ne tarda pas à nous faire sentir l'utilité de nos fourrures. Les climats chauds sont dangereux par la fraîcheur de leur nuit, et c'est ce qui explique pourquoi les animaux des zones brûlantes sont souvent recouverts d'épaisses fourrures. Levés avec le soleil, notre premier soin fut d'écorcher les deux lions, opération qui nous occupa à peine 2 heures, grâce à l'emploi de mon heureuse invention, la pompe à air. Les cadavres furent abandonnés à la merci des oiseaux du ciel, qui accoururent bientôt par essaims bruyants pour profiter de notre générosité. Les rayons du soleil ne tardèrent pas à développer de telles émanations autour de notre amas d'huîtres que nous nous estimâmes heureux de pouvoir songer, sans plus attendre, aux préparatifs de départ. Cette fois, Jack refusa de faire le trajet dans le kayak, se sentant hors d'état de manœuvrer la rame, et Fritz demeura seul chargé de la conduite de son léger bâtiment. Nous ne tardâmes pas à lever l'ancre et à quitter la baie des Perles, en nous dirigeant en droite ligne vers le canal si heureusement traversé quelques jours auparavant. Continuant notre route vers le levant, nous abordâmes avant le coucher du soleil à la baie du Salut. Les premières annonces de la mauvaise saison ne tardèrent pas à se faire sentir, et bientôt les alentours de la maison devinrent impraticables. Alors commença le cours des travaux domestiques, qui nous empêchèrent de trouver trop longs les jours de pluie qui se succédèrent. Chapitre 24. Le navire européen, le mécanicien et sa famille, préparatifs de retour en Europe, séparation, conclusion. Avec quelle émotion je reprends la plume pour tracer ce dernier chapitre. Dieu est grand, Dieu est bon. Telles sont les premières paroles qui se présentent à ma pensée lorsque je reporte mes souvenirs pour la dernière fois sur cette partie de notre histoire. Le salut miraculeux de ma famille est encore présent à mes regards et au milieu du conflit de sentiments divers qui agitent mon esprit, j'ai peine à retrouver le fil de mes idées pour achever dignement ce livre que je vais fermer pour jamais. Le lecteur me pardonnera le désordre de ce récit, dont je me propose de lui donner la fin, si jamais il m'est accordé de revoir l'Europe et ma chère patrie. À peine suis-je en état de trouver quelques mots sans suite pour raconter les événements de mes dernières heures d'exil. Toutefois, celui qui s'est intéressé jusqu'à ce jour au destin de l'innocente famille ne pourra voir sans un sentiment de satisfaction le dénouement inespéré de sa trop longue histoire. Mais trêve de fastidieux préambule. Le temps presse. J'arrive à la conclusion de cette œuvre intéressante qui vient d'occuper 10 années de ma vie. Nous touchions au terme de la saison pluvieuse, et la nature semblait vouloir se ranimer plus tôt que d'habitude. Le ciel était sans nuages, et chacun prenait plaisir à se dédommager de sa réclusion de 2 mois en exerçant de nouveau ses membres engourdis par une longue inaction. Tous les jours, la famille était répandue dans les jardins, dans les plantations, sur les rives de la mer, faisant usage avec délice d'une liberté si longtemps attendue. Fritz ayant annoncé la résolution d'aller faire une visite à l'île Requin pour voir si les besoins de la colonie ne réclamaient pas notre présence, je le laissai partir accompagné de Jack. Les deux voyageurs furent bientôt dans l'île, où leur œil exercé se promena longtemps sur la mer et sur le rivage, sans apercevoir ni monstre marin, ni dommage notable dans l'établissement. J'avais recommandé aux deux jeunes gens de tirer 2 coups de canon en débarquant, tant pour nous annoncer l'heureuse issue du voyage que pour nous servir de signal si par hasard la Providence avait envoyé quelques bâtiments à portée du rivage. Leur premier soin avait été de se conformer à mes ordres, mais quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'au bout d'environ 2 minutes, ils entendirent distinctement 3 coups de canon vers l'ouest, dans la direction de la baie du Salut. La surprise, l'espérance et la crainte les tinrent quelque temps immobiles. Mais Fritz rompit le premier le silence en s'écriant « À la mer ! À la mer !» Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, la rapide embarcation volait sur la surface des flots. « Qu'y a-t-il de nouveau ? » m'écriai-je en voyant les 2 enfants accourir vers moi de toute la vitesse de leurs jambes. « N'avez-vous pas entendu ? » me répondit Fritz qui respirait à peine. Et son frère arriva bientôt près de lui en répétant « N'avez-vous pas entendu ?» Le récit des enfants me fit secouer la tête avec l'expression du doute. Mais la pensée qu'ils pouvaient ne pas s'être trompés agitait vivement mon esprit. Dans la certitude qui me préoccupait, je rassemblai la famille afin de tenir un grand conseil de guerre, car la chose était de trop d'importance pour m'en rapporter à mes 2 interlocuteurs. Comme la nuit approchait, je décidai qu'un de nous demeurerait à monter la garde dans la galerie afin d'épier le moindre signal qui pourrait annoncer de nouveau la présence d'un bâtiment dans notre voisinage. Mais la soirée ne fut pas aussi tranquille que nous l'avions espéré. On eût dit que les éléments conjurés avaient repris toute leur fureur pour cette terrible nuit et qu'un nouvel hiver allait recommencer. L'orage dura 2 jours et 2 nuits. Vers le matin du 3e jour, la mer devint plus calme et il fut possible d'aller à la découverte. J'emmenai Jack avec moi et nous nous mîmes en route munis d'un pavillon qui devait instruire la garnison du succès de nos recherches. Arrivés en peu de temps à l'île aux requins, notre premier soin fut de gravir la cime du rocher et de promener un regard inquiet sur les flots. La mer était déserte et rien ne paraissait à l'horizon lointain. Après quelques instants d'attente, je me décidai à tirer 3 coups de canon à 2 minutes d'intervalle afin de m'assurer si la première fois l'écho du rocher n'avait pas trompé les oreilles inexpérimentées de mes jeunes gens. Nous prêtâmes l'oreille attentivement et au bout d'une minute, un faible coup retentit dans l'éloignement, puis un second, puis un troisième et le silence se rétablit. Je demeurai immobile de surprise. Jack dansait autour de moi comme un homme pris de vin. Le pavillon fut hissé 2 fois en haut du mât, signal dont nous étions convenus en cas de bonne nouvelle. Laissant mon compagnon à la garde de la batterie avec l'injonction de faire feu aussitôt qu'il apercevrait quelque chose, je me hâtai de reprendre le chemin de Felsenheim afin de combiner nos mesures ultérieures. La garnison était dans un trouble inexprimable. Fritz s'élança à ma rencontre en s'écriant « Où sont-ils ? Est-ce un navire européen ?» Bien qu'il me fût impossible de satisfaire son avis de curiosité, je ne laissai pas de réjouir tout mon monde en annonçant ma résolution de m'embarquer avec Fritz pour aller à la recherche du bâtiment. Il était environ midi lorsque je montai dans le kayak avec mon compagnon de voyage. Ma femme nous vit partir, les yeux mouillés de larmes, et en adressant au ciel une ardente prière pour notre conservation. Au reste, nous étions parfaitement armés et préparés à la plus vigoureuse résistance en cas de besoin. Le kayak ne tarda pas à s'éloigner en silence, se dirigeant à l'ouest de Felsenheim, vers des parages demeurés inconnus jusqu'à ce jour. Malgré tous les dangers d'une navigation incertaine, au milieu de cette mer hérissée de rochers et d'écueils, nous finîmes au bout de 5 quarts d'heure d'une marche fatigante par atteindre un promontoire escarpé que je me préparais à doubler. Car, suivant toute apparence, le bâtiment que nous cherchions devait se trouver de l'autre côté du cap. Parvenus à la pointe la plus avancée du promontoire, le rivage nous offrit un groupe de rochers favorables à nos observations. Et quels ne furent pas nos sentiments d'allégresse et de reconnaissance pour le Tout-Puissant, en apercevant un beau navire à l'ancre dans une petite baie à peu de distance. Le bâtiment paraissait fatigué. Le pavillon anglais flottait au haut des mâts, et au même instant nous aperçûmes la chaloupe se détacher du bord pour aller débarquer au rivage. Fritz voulait s'élancer hors du kayak et gagner le navire à la nage. J'eus besoin de toute mon autorité pour le retenir, en faisant observer que le pavillon pouvait nous tromper, car il n'est pas rare de voir un bâtiment pirate arborer le pavillon de la nation la plus connue sur les mers, afin d'attirer plus sûrement sa proie. Nous demeurâmes donc cachés dans notre retraite, nous servant de la longue-vue pour examiner à loisir tous les mouvements du bâtiment. Il me parut être un yacht de construction légère, mais toutefois armé de 8 canons de calibre ordinaire. Il était facile de distinguer sur le rivage 3 tentes d'où s'élevait une légère colonne de fumée. Selon toute apparence, l'équipage n'était pas nombreux, car nous n'aperçûmes à bord que 2 créatures humaines. D'après ces observations, je crus qu'il n'y avait aucun danger à quitter notre retraite, et bientôt le léger kayak parut dans les eaux du navire, accomplissant autour de lui de capricieuses évolutions. Au bout de quelques minutes, nous vîmes paraître sur le pont un officier que Fritz reconnut facilement pour le capitaine. En 2 coups de rame, nous étions à portée de la voix, chantant à plein gosier un refrain national dans lequel il eût été difficile de reconnaître une musique européenne. Notre bizarre apparition ne tarda pas à attirer l'attention du capitaine et de ceux qui l'entouraient. Des mouchoirs furent agités en signe de paix, et voyant que la chaloupe ne faisait pas mine de s'occuper de nous, je me décidai à tourner la pointe de mon esquif vers le bâtiment. En voyant le kayak s'approcher, le capitaine saisit son porte-voix pour nous demander qui nous étions, d'où nous venions et comment s'appelait la côte voisine. Élevant alors la voix aussi haut que mes forces me le permirent, je me bornai à répondre ces 3 mots. « Englishmen, good men !»« Les Anglais sont de braves gens !» Nous nous trouvions alors assez près du bâtiment pour remarquer que l'ordre le plus parfait régnait à bord et que tout indiquait un navire de commerce assez richement chargé. Pendant qu'on nous montrait des haches, des étoffes et d'autres légères marchandises destinées au commerce avec les sauvages, Fritz me communiquait ses observations qui toutes étaient à l'avantage de nos nouvelles connaissances. Voyant bientôt que la gravité de mon compagnon ne tarderait pas à se démentir, je donnai le signal de la retraite et nous reprîmes le chemin du rivage après un congé amical de part et d'autre. Toute la famille attendait impatiemment notre retour, et nous fûmes reçus avec une vive allégresse. Ma femme, tout en louant notre prudence, était d'avis qu'il n'y avait plus maintenant d'obstacle à nous faire connaître et qu'il fallait mettre la pinasse en mer pour aller aborder le bâtiment anglais. On ne saurait décrire l'agitation qui suivit cette résolution adoptée à l'unanimité. Les plans les plus extravagants se succédaient sans relâche. C'était un conflit de volonté, de projets, de désirs, au milieu desquels l'esprit le plus sage eut eu de la peine à se reconnaître, et il semblait que nous allions mettre à la voile dans 1 quart d'heure pour retourner en Europe. Ma position de chef de famille rendait mon rôle difficile dans cette importante circonstance. Je me retirai donc en silence pour adresser à Dieu une fervente prière, lui demandant humblement de m'inspirer la résolution la plus conforme aux intérêts du petit peuple qui m'était confié. Mais sentant bientôt la folie de songer au départ avant d'en reconnaître la possibilité, je pris le parti de subordonner mes résolutions ultérieures au résultat d'une seconde visite que je me proposais de faire avec tout mon monde, au bâtiment étranger. Tout le jour suivant fut consacré à l'équipement de la pinasse, qui reçut une cargaison de fruits que le capitaine avait paru vivement désirer lors de notre première visite. Quelques dernières dispositions occupèrent encore la matinée du lendemain, et ce fut seulement vers midi que la pinasse déploya majestueusement ses voiles. Fritz, revêtu d'un brillant uniforme de marine, nous servait de pilote, comme à l'ordinaire. L'escadre traversa la baie avec précaution et ne tarda pas à atteindre heureusement la pointe du cap qui nous dérobait l'ancrage du bâtiment anglais. Arrivé en vue du navire, je fis hisser le pavillon anglais et commander la manœuvre de manière que la pinasse pouvait se mettre en rapport avec le yacht, tout en demeurant à une distance respectable de ce dernier. Mon cœur est encore pénétré d'émotion lorsque je me reporte à cet instant solennel, et il m'est impossible de donner autre chose qu'une esquisse rapide des circonstances qui signalèrent cette journée. Il est tout aussi impossible de décrire la surprise de l'équipage anglais à la vue de notre entrée dans la baie, mais la joie et la confiance ne tardèrent pas à remplacer l'inquiétude des premiers instants. La pinasse ayant jeté l'ancre à environ 2 portées de fusil du bâtiment, le salua d'un brillant « hurrah » qui ne resta pas longtemps sans réponse. Faisant mettre aussitôt le petit canot à la mer, j'y montai avec Fritz afin de me rendre à bord pour avoir une entrevue avec le capitaine. Celui-ci nous reçut avec la franche cordialité d'un marin, et faisant apporter une bouteille de vieux vin du Cap, il nous demanda affectueusement à quel heureux hasard il devait la satisfaction de voir flotter le pavillon anglais sur cette côte sauvage et inhospitalière. Il ajouta que lui-même s'appelait Little Stone, qu'il avait le grade de lieutenant de la marine royale, qu'il était en route pour le cap de Bonne-Espérance où il apportait les dépêches de Sidney Cove. J'invitai le capitaine à passer à bord de la pinasse pour faire visite à ma chère famille, offre qu'il accepta cordialement en me priant d'annoncer moi-même son arrivée aux dames. Je ne perdis pas une minute pour m'acquitter de mon message, qui causa d'abord un certain trouble parmi les gens de la pinasse. Mais on ne tarda pas à se remettre, et au bout de quelques instants, tout était prêt pour accueillir dignement le capitaine. Une demi-heure après, la chaloupe du navire se dirigea vers nous, portant le capitaine, maître Willis le pilote, et le cadet Dunsley. Ma femme s'empressa de leur offrir des rafraîchissements, qui furent acceptés avec reconnaissance. La plus aimable franchise ne tarda pas à s'établir entre la famille et les nouveaux hôtes, et il fut résolu que toute la compagnie débarquerait le soir dans la baie pour aller visiter les malades. Le capitaine nous dit que parmi eux se trouvait un mécanicien qui était confié aux soins de sa femme et de ses 2 filles. Notre visite auprès de M. Wollstone et de sa famille fut des plus touchantes. Une femme pleine de grâce et 2 charmantes jeunes filles de 12 à 14 ans étaient bien faites pour exciter notre intérêt au plus haut degré. La soirée fut pleine de charme pour mon heureuse famille. Toute inquiétude avait disparu pour faire place à la perspective d'un retour si longtemps désiré et la confiance établie déjà entre les habitants de la colonie et leurs nouveaux hôtes donnait à notre liaison d'une heure l'apparence d'une amitié de 20 ans. Nous restâmes sous des tentes que le capitaine nous avait fait préparer. Le lecteur ne s'attend pas que je lui donne le récit de la longue conversation qui nous occupa, ma fidèle compagne et moi, durant les heures de cette nuit. Le capitaine était un homme trop bien appris pour nous accabler d'offres et de questions dans les premiers moments de notre rencontre, et de notre côté, nous ne voulions nous ouvrir à lui qu'après une mûre délibération, car il fallait savoir avant tout s'il nous restait maintenant de solides raisons pour désirer de revoir l'Europe. Parfois j'étais tentée de demeurer dans le paisible séjour où la Providence nous avait jetés, en renonçant à jamais aux douteux avantages que nous promettait la vie civilisée. Ma fidèle épouse ne demandait qu'à terminer sa carrière sous le beau ciel que nous habitions. Mais la solitude l'effrayait pour moi et pour ses enfants. Elle eût désiré me voir partir pour l'Europe avec les 2 aînés afin de ramener un petit nombre de compatriotes à l'aide desquels il nous serait facile de fonder une colonie florissante qui recevrait le nom de Nouvelle-Suisse. Nous résolûmes de confier notre projet au capitaine Little Stone en lui racontant l'intention de mettre la colonie sous la protection de l'Angleterre. Un de nos plus grands embarras était de savoir lesquels de mes enfants je choisirais pour compagnons de voyage, car les raisons étaient les mêmes pour tous. Nous finîmes par décider qu'il fallait attendre quelques jours encore en conduisant les choses de manière que deux des enfants se trouvassent heureux de rester avec nous dans la colonie, tandis que les deux autres accompagneraient le capitaine Littlestone en Europe. Dès le jour suivant, nous eûmes la satisfaction de voir arriver ce résultat désiré. Il avait été décidé, à déjeuner, que le capitaine nous accompagnerait à Felsenheim, avec son pilote, son cadet de marine et la famille du mécanicien, qui, après tant de souffrances, avait besoin de toutes les commodités d'une habitation saine et agréable. La traversée fut une véritable partie de plaisir pour la petite escadre, car tous les cœurs étaient pleins d'espérance et l'attente d'un heureux avenir épanouissait tous les visages. Mais quelle ne fut pas la surprise de nos hôtes lorsqu'au détour du cap des Canards, la délicieuse baie de Felsenheim leur apparut dans toute sa splendeur, éclairée par les rayons du soleil. L'enthousiasme fut à son comble lorsque la batterie de l'île aux requins eut salué notre entrée de 11 coups de canon et qu'on vit le pavillon anglais se déployer majestueusement sous les premiers souffles de la brise matinale. « Heureux séjour, heureuse famille !» s'écria Madame Wollaston en soupirant, tandis que sa plus jeune fille lui demandait naïvement si ce n'était pas là le paradis. Le paysage offrit bientôt une scène nouvelle en s'animant par degrés de tout ce que l'habitation renfermait de créatures vivantes. C'était à chaque pas de nouvelles extases et de nouveaux ravissements. Au milieu de la confusion générale, je fis transporter le malade dans ma propre chambre où ma femme avait rassemblé tous les meubles commodes de la maison et où la bonne Lady Wollaston trouva un lit de camp préparé à côté de son époux. Le dîner fut court, car nous avions encore Falkenhorst à visiter avant le coucher du soleil. Nos jeunes gens, livrés à leurs naïves impressions, s'étaient répandus dans les alentours de Felsenheim, et le paysage, animé par leur présence, semblait prendre une vie nouvelle. La différence de langage et la difficulté de se comprendre disparaissaient devant les gestes animés et les regards intelligents des interlocuteurs. Chacun de mes enfants semblait transformé en une créature nouvelle. Fritz était calme et grave, Ernest plein d'activité et Jack presque pensif. Vers le soir, la tranquillité parut se rétablir et la famille était paisiblement rassemblée dans la galerie lorsque Lady Wollaston parut au milieu de nous avec un maintien légèrement embarrassé. Elle venait au nom de son mari et au sien nous demander la permission d'attendre à Felsenheim l'entier rétablissement du pauvre mécanicien et de garder sa fille aînée auprès d'elle, tandis que la plus jeune irait chercher son frère au Cap de Bonne-Espérance pour le ramener bientôt parmi nous. Je me rendis à sa prière de bon cœur, en lui demandant, au nom de ma femme et au mien, de ne jamais abandonner la Nouvelle-Suisse. « Vive à jamais la Nouvelle-Suisse !» répondit un cœur de voix attendrie, en même temps que les vers s'entrechoquaient en signe d'allégresse. « Et à la santé de quiconque veut y vivre et y mourir !» ajouta Ernest en rapprochant son verre du mien. « Je vois bien, repris-je avec gravité, qu'il va falloir nous séparer de Fritz. Il est juste qu'il soit chargé d'aller représenter la famille en Europe. Ernest demeurera près de nous avec la place de premier professeur d'histoire naturelle de la Nouvelle-Suisse. Quant à Maître Jack... « Maître Jack reste ici !» s'écria l'impétueux jeune homme d'une voix bruyante. « N'est-il pas le meilleur cavalier, le meilleur chasseur, le meilleur soldat de la colonie, après son frère aîné? Si l'on m'en promet autant dans votre Europe, à la bonne heure, mais jusque-là n'en parlons plus. » « Quant à moi, reprit Franz, je ne suis pas de cet avis. Il y a plus d'honneur à gagner dans une société nombreuse qu'au milieu d'une demi-douzaine de Robinson, et j'offre de m'embarquer pour la Suisse avec l'approbation de mon père, toutefois. » « Bien pensé, mon cher enfant, lui répondis-je, et puisse Dieu bénir nos résolutions, comme il l'a fait jusqu'à ce jour. L'univers appartient au Tout-Puissant, et la patrie de l'homme est partout où il peut vivre heureux et utile à ses semblables. Maintenant, il ne s'agit plus que de savoir si le capitaine Littlestone voudra favoriser nos projets. » Chacun garda le silence, attendant avec anxiété la réponse du capitaine qui prit la parole en ces termes. Il faut admirer les décrets de la Providence et s'y conformer. J'étais parti pour recueillir des naufragés et me voici au milieu d'une famille naufragée. Au moment où trois passagers abandonnent mon bâtiment de leur propre mouvement, en voici d'autres qui s'offrent pour les remplacer. En un mot, je me réjouis d'être l'instrument que la Providence a choisi pour rendre à la société une si digne famille et pour donner peut-être à ma patrie une colonie florissante. Cette réponse me soulagea le cœur d'un poids terrible, et je remerciai la Providence de l'heureuse réussite d'un projet qui avait fait naître dans mon esprit tant de doutes et d'inquiétudes. Le lecteur imaginera facilement comment se passèrent les dernières journées qui devaient précéder une si longue et si douloureuse séparation. Le bon capitaine pressait les préparatifs du départ, car les avaries de son bâtiment lui avaient déjà fait perdre plusieurs jours. Cependant, il nous laissa le temps dont il pouvait raisonnablement disposer, et il eut même l'attention d'amener son navire à l'ancre dans la baie du Salut, afin de favoriser notre embarquement. Tout le temps que le yacht demeura en rade, l'équipage fut consigné à bord afin d'épargner à Felsenheim les visites des curieux et des importuns. Le capitaine avait mis à notre disposition le pilote et le menuisier du navire dont les secours furent inutiles, car il s'était établi une telle émulation d'activité parmi les habitants de la colonie qu'on aurait manqué plutôt de besogne que d'ouvriers. La pacotille de Fritz et de Franz occupa longtemps ma sollicitude paternelle. Ils reçurent chacun leur part de nos plus précieux articles de commerce, tels que perles, coraux, noix muscades, et généralement tout ce qui pouvait avoir quelque valeur en Europe. J'avais reçu du capitaine Littlestone quelques armes à feu de nouvelle fabrique et une bonne provision de poudre. En échange de ce présent, je m'empressai de lui offrir, parmi les objets sauvés autrefois du bâtiment naufragé, tout ce qui pouvait être utile à un marin. Je lui remis en même temps quelques papiers qui avaient appartenu à notre infortuné capitaine, en le priant de s'informer s'il restait quelques membres de sa famille en état de les réclamer. Le yacht fut avitaillé de toutes les provisions dont nous pouvions disposer. Bétail, viande salée, poissons, légumes et fruits. Tout était prodigué en raison de nos faibles ressources. Le bonheur est toujours généreux. Il me restait à accomplir un dernier devoir avant de prendre congé de mes enfants pour une si longue et si douloureuse séparation. J'eus avec eux un entretien de plusieurs heures, où je leur fis un touchant discours sur le monde et la vie, sur la grandeur de Dieu et le devoir de l'homme, et après leur avoir donné ma bénédiction, je remis à l'aîné un manuscrit renfermant mes dernières instructions et mes derniers conseils. Chaque heure, chaque minute ramenait quelques nouveaux soins, quelques nouveaux conseils, quelques paroles de tendresse à adresser aux jeunes voyageurs. Chacun était douloureusement affecté du départ, quoique plein de confiance dans le retour. Plutôt au ciel que les hommes se séparassent toujours avec de telles pensées, car, dans les âmes bien nées, ces moments solennels ne laissent de place qu'aux plus nobles sentiments qui puissent honorer la nature humaine. Le soir qui précéda la journée du départ, chacun voulut montrer du courage, et nous invitâmes le capitaine et ses officiers à un grand repas d'adieu. Au dessert, je fis apporter le manuscrit de notre exil, et le confiant solennellement à Fritz, je lui recommandai de le faire imprimer à son arrivée en Europe, avec les changements et les corrections nécessaires. « J'espère, ajoutai-je en finissant, que le récit de notre vie sur ces rivages abandonnés ne sera pas perdu pour le monde, si Dieu permet qu'il arrive un jour sous les yeux de la jeunesse de ma patrie. Ce que j'ai écrit pour l'éducation et l'instruction de ma famille peut devenir utile aux enfants des autres, et je m'estimerai bien récompensé de mes peines si mon simple récit peut fixer l'attention de quelques jeunes esprits sur les fruits bienfaisants de la méditation, sur les heureux résultats de l'obéissance filiale et de la tendresse fraternelle. Trop heureux aussi si quelque père de famille peut trouver dans ces pages d'un exilé quelques paroles de consolation, quelques sages conseils, quelques bienveillantes instructions. Dans la position exceptionnelle où le sort nous avait jetés, mon livre ne renferme et ne peut renfermer aucune théorie. C'est le récit simple et sans art de nos actions et de nos aventures durant 10 années d'une vie exempte de blâme et de malheur. Pour nous, il a eu 3 grands avantages. En premier lieu, de nous inspirer une confiance résignée envers le souverain auteur de toutes choses. Ensuite, de développer l'activité de notre âme. Enfin, de nous faire mépriser cette maxime vulgaire de l'ignorance. À quoi cela peut-il servir ? Jeunesse de tous les âges et de toutes les nations, n'oubliez pas qu'il est bon de tout apprendre, excepté le mal, et que l'homme est sur la terre pour développer ses forces et exercer son intelligence dans les voies qu'il a plu à la Providence de lui ouvrir. Mais l'heure s'avance. Demain, à la pointe du jour, ce dernier chapitre ira rejoindre les précédents entre les mains de mon fils aîné. Que celui sans lequel nous ne sommes rien demeure avec lui et avec nous, ses fidèles serviteurs. Salut à l'Europe, salut à toi, antique pays de mes pères. Puisse la Nouvelle-Suisse fleurir bientôt, comme tu fleurissais dans les premières années de ma jeunesse.